les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de l'arène publique ? Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. Ainsi s'exprimait Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain et vice-président du Sénat, dans un rapport rédigé en 1919 portant sur plusieurs propositions de loi tendant à accorder aux femmes l'électorat et l'éligibilité. On le sait, Alexandre Bérard fut entendu par ses collègues sénateurs sur ce point, puisqu'il fallut attendre l'année 1944 pour que les femmes françaises obtiennent le droit de vote et 1945 pour que leur délicate main ait pour la première fois l'occasion de placer un bulletin dans une urne électorale. En 1981, dans un entretien accordé à Patrice Galbaud, Louise Weiss avait raconté de quelle façon elle s'était quant à elle engagée dans le combat suffragiste en 1934, après 16 années passées à diriger l'Europe Nouvelle, la revue qu'elle avait cofondée. Elle rappelait qu'après 2 années de ce qu'elle appelait joliment la campagne d'ironie qu'elle avait menée avec les suffragettes françaises, la Chambre des députés avait, à l'unanimité, en juillet 1936 déjà, voté un texte en faveur du droit de vote des femmes, texte qui ne fut jamais, hélas, inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Mémorable, cinquième et dernier volet d'une série d'entretiens avec Louise Weiss, menée par Patrice Galbaud en 1981 et rediffusée pour la première fois sur France Culture le 31 mars 2003. J'ai été aussi obligée de quitter mes parents parce que moi j'ai pris la décision d'affronter la vie seule avec les seules ressources de mon travail. Et à la suite d'un incident extrêmement vif, où, revenant de Russie avec un récit très remarquable de ce que j'avais vu là-bas et qui rendait compte, par exemple, de mes entretiens avec Lénine et avec Trotsky et d'autres grands révolutionnaires, mon père m'a enfermé à clé dans ma chambre en me disant « En Russie, tu fais ce que tu veux, à Paris ». Tu n'as pas le droit d'être une femme ayant un métier émancipée et libre. Mon père n'a pas pu tolérer l'idée que je sorte. À ce moment-là, j'avais 28 ans et je paraissais à la une tous les jours dans le plus grand journal de France. On n'a pas pu tolérer que je sorte avec un camarade pour aller au cinéma. Mais quitter le domicile de ses parents, même à 28 ans, quand on n'est pas marié, ça devait être un événement grave. À ce moment-là, c'était un événement, je dirais, très rare dans la société. Aujourd'hui, c'est courant. Les parents achètent même des studios ou louent des studios pour leurs enfants, pour leurs filles, pour leur, lui permettre d'être indépendante, d'avoir la vie qui lui convient, la vie de son choix. Pas question d'une telle libéralité et d'une telle liberté d'esprit il y a 40 ans, 50 ans, pas question. Et là, vous êtes allé vous installer chez vous, là? Oui, après une période de transition que d'ailleurs qui a été une erreur de ma part, où j'avais accepté de payer un loyer à mes parents pour un petit studio séparé de leur appartement et dont ils avaient la jouissance, j'ai quitté parce que j'étais surveillée comme si j'étais une criminelle. Mon métier, forcément, m'entraînait à voir énormément de gens différents et qui semblaient des relations épouvantables à mon milieu. J'ai une de mes tantes qui me disait, quand j'ai été indépendante, quand je suis partie, bien écoute, tu m'inviteras une ou deux fois avec tes voyous, parce que je suis tout de même curieuse de les connaître. Et ces voyous, c'était Bartou, c'était Tristide Briand, c'était Tardieu. Alors que maintenant, des parents seraient très fiers d'une fille qui réussirait bien dans son métier, que ce soit un métier de peintre, ou un métier d'artiste, ou un métier d'écrivain. Il y avait une très grande différence de mode de vie entre une jeune fille de 28 ans et une femme mariée du même âge. Ah oui, c'était très désagréable de ne pas être mariée. Parce qu'on reconnaissait à la femme mariée tous les droits, et même le statut de femme divorcée était très préférable à celui de jeune fille. Quelquefois, je dirigeais à ce moment-là un hebdomadaire qui a conquis une réputation internationale, l'Europe Nouvelle. J'étais jeune fille, j'étais mademoiselle Louise. Très inconfortable. Très. L'ambition ne permet pas de travailler. C'était avant tout connaître le monde, que rien d'humain ne me soit étranger. Je ne regrette pas grand-chose parce que j'ai eu des expériences extraordinairement variées et que cette soif de la connaissance, par moments, j'ai pu l'étancher. Mais elle reste toujours aussi vive en moi. C'est ce qui me maintient en vie. Cette soif de connaissance qui vous maintient effectivement en très bonne forme. Oui. Comment l'avez-vous assouvie? Eh bien, d'abord j'ai connu vraiment l'élite de ce monde, l'élite du siècle, qui a fréquenté la maison où nous nous trouvons actuellement. Et on l'appelle... Cette élite qui m'est restée attachée, à laquelle je suis profondément attachée moi-même, on l'appelle la bande à loulous. Et la bande à loulous, mon Dieu, a des partisans et même des fanatiques dans le monde entier. Je suis très fière d'être le capitaine d'une telle réunion d'hommes d'esprit de très grande valeur et dont j'entretiens avec un soin jaloux l'amitié. Lorsque, après la guerre, il a été question que je reprenne ce journal qui s'appelait l'Europe Nouvelle et qui, pendant l'armistice, qu'a été la période d'entre les deux grandes guerres mondiales, c'est-à-dire de 1919 à 1939, eh bien... Là, j'avais connu vraiment les grands chefs politiques de tous les pays du monde en les rencontrant à Genève. Mais lorsque, après la guerre, il a été question que je reprenne le journal, je me suis rendu compte que s'il devait avoir l'autorité qu'il avait acquise jadis, il me fallait connaître un univers que je ne connaissais pas dans sa réalité. Je connaissais les ambassadeurs, les ministres, des pays qu'on appelle maintenant en voie de développement, ou des grands pays de l'Extrême-Orient. Mais je ne savais pas comment y vivaient les gens. J'ignorais ce qu'était une rizière, une noria, une savane, un désert, une forêt vierge, un lac dont les poissons pouvaient faire vivre des communes entières restées très archaïques. Je ne me représentais pas le monde arabe, je ne me représentais pas le monde fétichiste, je ne me représentais pas le monde shinto, qui est le monde japonais. J'avais l'impression que je ne savais vraiment rien de l'humanité réelle. Alors, j'ai dit aux amis qui me demandaient si je voulais reprendre ce journal et qui étaient tout à fait prêts à le financer, comme l'Europe Nouvelle dans sa première version, je leur ai dit, mais je ne ferai rien de bien sans avoir la connaissance réelle de l'aspiration des peuples. Comment vit un Chinois, comment vit un Hindou, comment vit un Africain, que veut-il? Quelles sont pour lui les notions sacrées? Enfin, je suis devant des ténèbres. Il faut que je les perce si je dois reprendre une publication avec autorité. Et alors j'aurais promis de leur donner une réponse après un an de voyage autour du monde. Alors j'ai fait ce premier voyage autour du monde et je suis revenu en leur disant, bien, j'y comprends encore absolument rien. Et il faut que je continue. Et finalement, il n'a plus été question de journal, mais j'ai fait un voyage qui a duré 25 ans et qui m'a mené de l'Arctique aux terres australes de l'Afrique. Et j'ai séjourné en Chine par deux fois il y a assez longtemps. Je connais le Japon, je connais l'Arctique. Enfin, les problèmes qui se posent à que ceux qui ne sont pas français. Et ça a été une expérience absolument magnifique. Et au lieu de reprendre un journal, j'ai écrit mes propres mémoires. Et j'ai pensé à faire des films parce que les journaux, dont j'étais la correspondante ou même l'envoyée spéciale, m'envoyaient pour peu de temps pour faire ce que l'on appelle dans le métier des scoops. Alors on arrivait pendant 3 jours, on séjournait pendant 3 jours dans un pays dont l'événement avait attiré l'attention du monde. Mais on n'avait pas le temps d'en comprendre les origines, d'en prévoir les suites. Les éléments de l'analyse manquaient finalement. C'était très superficiel ce que l'on pouvait envoyer comme renseignement ou comme explication. Tandis que si on fait des films, comme je l'ai fait, j'en ai fait 30, des documentaires, on est obligé de rester sur place, de connaître les gens, de pénétrer leur psychologie assez profondément pour pouvoir donner des images, enfin, pathétiques ou d'un intérêt exceptionnel, comme j'ai essayé de le faire dans tous ces films qui ont été diffusés par l'ORTF d'alors. Et revenons à Louise Weiss en 1930. Que faisiez-vous en 1930? Eh bien, je dirigeais l'Europe Nouvelle, qui était devenue une sorte de journal plus qu'officieux, presque officiel, de la Société des Nations à Genève. Tous les grands hommes politiques du monde, les chefs d'État, les premiers ministres, y collaboraient. Et je publiais sans relâche les documents de cette vie diplomatique internationale auxquels les experts, les juristes, les historiens se référaient comme des textes exacts et importants. J'avais doublé ce journal d'une institution d'enseignement supérieur rattachée comme établissement libre à l'Académie de Paris et qui s'appelait l'École de la Paix. Et vous aviez des illusions en politique quand vous êtes... C'est ce que je vous explique. Et, voilà. Et vous les avez perdues depuis? Je pense que l'expérience m'a obligé à les limiter, ces illusions. On en a toujours quelques-unes, si on veut, on a une vision du monde. Et que d'après cette vision, on agit. Mais il me semble que tout de même, j'ai acquis un réalisme et une puissance d'analyse que je n'avais pas à cette époque. Notre génération a été obligée de choisir entre deux systèmes idéologiques. Ou le totalitarisme, qui était assez fascinant à voir de loin par le messianisme qui l'animait, ou la démocratie libérale, c'est-à-dire l'épanouissement de l'individu au sein d'une société permissive. Et le plus grand nombre d'hommes et de femmes, d'intellectuels de ma génération, a choisi la démocratie. Mais une forte minorité est restée en faveur de ce totalitarisme dit marxiste qui aurait eu besoin d'être, je crois, plus sérieusement analysé et plus objectivement qu'il ne l'a été. Alors, probablement, ai-je aussi eu mes déboires d'idéologue. Parlons de votre vie publique. À cette époque... Je commence mon combat pour les femmes. Mon combat politique. C'était en 1935 à peu près, 34, oui, 35. Oui, 34. Lorsque, dégoûté d'entendre Goebbels à la tribune de la Société des Nations défendre les thèses hitlériennes, est applaudi par ceux qui avaient ovationné Briand 2 ans avant. Qu'est-ce que c'était que ce mensonge? Qu'est-ce que c'était que cette hypocrisie? J'en ai cassé ma plume. J'ai quitté le journal que je menais avec tant de succès depuis presque 20 ans et je me suis lancé dans une action pour l'égalité politique et civique des hommes et des femmes. Et à ce moment-là, je dois dire que le monde politique et parlementaire a été stupéfait de ma décision. Et que ces messieurs se demandaient ce qui me manquait pour que j'aie pu me lancer dans une affaire pareille. Et ils sont venus me le demander. En me disant, mais nous sommes là, qu'est-ce qui vous manque? De l'argent, non. Le bonheur, non. Mais que voulez-vous? L'égalité politique. Cette réponse les glaçait d'horreur. Et j'ai eu beaucoup de mal à me faire entendre. Alors, à ce moment-là, j'ai pris conseil des filles de Madame Pankhurst, qui avait été la suffragette anglaise triomphatrice pour cette cause de tout le système de l'establishment. Elles m'ont dépeint leur mère, qu'elles admiraient. Et aujourd'hui, je juge que Madame Pankhurst, qui avait mené ce combat très difficile en Grande-Bretagne, était à peu près du même type que Madame Thatcher. C'était deux tigresses, adorées et respectées de leur mari et aidées par leurs enfants. La vie intime de Madame Pankhurst était d'accord avec sa vie publique. Le cas est assez rare. Et on connaît bien des ménages où la vie publique d'une femme ne convient pas particulièrement à son époux. Les filles de Madame Pankhurst m'ont expliqué qu'il n'y avait qu'une seule méthode pour réussir, c'est-à-dire pour faire sortir le féminisme de ces petits cercles anodins où quelques femmes se réunissaient pour se lamenter sur leur sort, qui n'avait d'ailleurs rien de lamentable, et pour écrire des mémoires ou des placets que, grâce à leurs relations, elles pouvaient envoyer dans les ministères, où ces placets étaient immédiatement jetés au panier et n'avaient aucune conséquence. Alors, Sylvia et Christabel, les filles de cette première tigresse anglaise, m'ont dit « Mais il faut que vous soyez à la une tous les jours. Et rien ne résistera à ce fait-là. » Alors, imaginez ce qu'il faut faire pour être à la une. À la seconde, ça va encore. Mais à la une d'abord. Nous avons brûlé des boîtes aux lettres, nous avons cassé les vitres des ministères, nous sommes sautés à la gorge des policiers, nous avons fait la grève de la faim, nous avons été violentes. En analysant le caractère français, latin, je me suis dit que ces méthodes de violence ne seraient pas acceptées par l'opinion publique. Le français déteste la mégère. Les Anglais ne les aimaient pas beaucoup, mais leur psychologie est différente. Alors, je me suis demandé comment je pouvais être à la une tous les jours. Et je me suis dit, bien, par l'ironie, par la démonstration qui ne cause de dommages à personne, qui ameute les foules et qui ouvre ou maintient la discussion continuellement. Alors, nous avons distribué des bouquets de myosotis aux députés le jour de la rentrée parlementaire en leur disant « Ne nous oubliez pas ». Alors, quand on voyait le président de la Chambre avec un bouquet de myosotis qu'il nous avait confère, j'étais à la une et le député était plutôt jugé comme maladroit. Tout le monde riait. Un sénateur avait osé dire que si les Françaises avaient leurs droits politiques, leurs chaussettes ne seraient plus reprisées. Alors, à la rentrée du Sénat, nous avons distribué une paire de chaussettes reprisées à chaque sénateur. Alors, les photographes étaient dûment prévenus, le cinéma, et tout cela était enregistré et projeté sur les écrans. Non pas sur des petits écrans qui n'existaient pas encore, mais dans les actualités cinématographiques. J'ai le film, d'ailleurs, il est très amusant, car la campagne d'ironie a duré près de 4 ans. Et toutes les semaines, je paraissais ainsi avec les suffragettes sur les écrans. Alors nous devenions très populaires. Et finalement, les hommes politiques ont commencé à nous redouter. J'ai barré la rue Royale, par exemple. C'était pas méchant. Mais l'embouteillage a été ressenti jusqu'à Clichy. J'ai empêché le départ de la course du Grand Prix devant les yeux du président de la République, avec lequel je me suis expliquée, conduite par des gendarmes. Tout cela était raconté avec moult détails. Je faisais l'objet de quantités de caricatures, ainsi que mes amis, et la cause progressait. Finalement, nos droits nous étaient accordés par la Chambre des députés, par un vote à 500 voix, sans opposition ni abstention. Il n'y avait plus que le Sénat à vaincre au moment où la guerre s'est déclarée, alors, du moins où la guerre se préparait, après Munich. Alors nous avons transformé notre mouvement en un mouvement patriotique, nous nous sommes dessinés des uniformes et nous avons demandé le droit de servir dans les armées. Alors le ministre de la guerre, qui était M. Daladier, m'a fait venir et m'a dit « Écoutez, je ne peux pas m'inscrire en faux contre votre mouvement qui est pour la défense de la patrie et parfaitement honorable. Mais je vous préviens que rien n'aboutira jamais. Parce que l'armée est d'abord une grande administration et vos dossiers resteront en panne. » Alors je lui ai dit « Cher ami, je vous remercie de votre franchise, mais pourquoi finalement cette hostilité viscérale contre nous ?» Alors il m'a répondu « Je défends les intérêts de la République et la majorité radicale socialiste. Si les femmes font le service militaire, notre principal argument contre leur accès à l'égalité politique et civique nous tombe des mains. Par conséquent, elles ne feront pas leur service militaire, car les femmes françaises ne sont pas radicales socialistes. Et par conséquent, une décision contraire à la mienne serait très préjudiciable aux intérêts politiques majoritaires du gouvernement, et notamment à mes amis. Finalement, c'est le général de Gaulle qui, par une décision prise à Alger, nous a dit qu'il nous donnerait tous nos droits et que nous aurions la possibilité de participer à la Constituante. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il voulait changer la majorité électorale, changer donc les institutions et avoir une république nouvelle qui ne ressembla pas à l'ancienne. Pour cela, il fallait quand même avoir des majorités différentes. Alors, le geste qu'il a fait, qui nous a été tellement favorable, il l'a fait pour de profondes considérations politiques qui pouvaient se résumer en un intérêt personnel, ou qui auraient pu se résumer en cet intérêt si nous n'avions pas existé. Il répondait à des aspirations, au lieu de s'en tenir à des calculs. Et voilà quel a été notre rôle. Il est évident que lorsqu'elles ont eu le droit de vote, les femmes se sont instinctivement ruées vers l'acquisition d'une sorte d'identité avec l'homme. Elles avaient maintenant tous les moyens politiques et civiques de devenir, dans la vie sociale, leurs égales. Alors, elles ont très bien réussi. Beaucoup d'entre elles se plaignent, mais elles oublient que les hommes ont aussi des difficultés, et elles méconnaissent un fait, c'est que la réforme est tellement récente, alors que les hommes ont des siècles d'habitude de travail et de commandement derrière eux, elles sont encore jeunes dans l'histoire à ce point de vue-là. Alors, dans cette ruée vers l'identité, en effet, elles n'ont pas trouvé la place de leur féminité. Elles se sont fait appeler « Madame le Président ». Madame le juge, Madame le commissaire de police. Enfin, bon sang, était-elle des femmes ou des hommes? Mais vous aussi, on vous appelle Madame le Président. Ah oui, mais je proteste. Je veux qu'on m'appelle Madame la Présidente. Parce que je déteste cette sorte d'ambiguïté. Je ne me sens rien hermaphrodite. Elles sont allées tellement loin qu'elles ont donc fait des associations bruyantes et qui ont réclamé l'avortement à titre, je dirais, d'identité masculine. Pour ne pas continuer à porter des fardeaux qu'elles n'étaient pas consentantes à porter. Elles ont fait beaucoup de bruit. Et dans l'idée d'une libération dont elles voulaient assumer l'initiative et la signification, alors que les suffragettes dont j'étais avaient compris ces notions bien avant elles. Mais elles ont oublié de dire ce qu'est la vérité profonde, à savoir que l'avortement officiellement reconnu et pratiqué dans des conditions d'hygiène qui étaient indispensables, a certainement rendu service à un très grand nombre de femmes. Mais je crois que la loi a rendu encore plus de service aux hommes. Et que c'est surtout ces lois sur l'avortement sont surtout de grandes conquêtes masculines. À toi, ma fille, plus de recherche de la paternité, plus de responsabilité. Si tu ne voulais pas avoir d'enfant, tu n'avais qu'à prendre la pilule. Si tu as été assez sotte ou oublieuse de ne pas prendre cette pilule, ne te plains pas. Tu as un enfant, tu ne veux pas le garder, tu peux avorter. Moi, je m'en lave les mains. Et nous qui demandions à corps et à cri le renforcement des clauses de la recherche de la paternité telle que la définissait la loi de la Troisième République, eh bien, nous sommes obligés de constater que cette loi tombe en désuétude et que les dispositions prises sur l'avortement autorisé, les interruptions de grossesse, ont dégagé les hommes de leur responsabilité paternelle. C'est une loi, d'ailleurs, qui a été votée par les hommes et finalement à leur profit. Maintenant, alors, un mouvement se dessine très différent, mais ne fait que se dessiner. Ayant acquis tous les avantages qu'il était possible en recherchant cette identité masculine et en faisant valoir leur droit à cette identité, elles se sont rendues compte que, en effet, leur féminité était menacée. Alors maintenant, un grand mouvement anime les nouveaux courants féminins. Elles veulent le droit à l'épanouissement féminin, sans rien perdre des avantages acquis à chercher leur identité masculine. Et elles vont réussir à trouver une formule, à force de se repenser dans la vie et dans l'action, qui ajoutera certainement à leur supériorité actuelle. C'était Mémorable. Louise Weiss s'entretenait avec Patrice Galbaud dans un montage d'archives datant de 1981, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 mars 2003. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou encore sur l'application Radio France.